بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Donc, on commence aujourd'hui le cours numéro 26 dans l'explication du livre Al-Mulakhas al-Fiqhi et on va terminer aujourd'hui le chapitre sur le divorce et on était en train de faire bab fi ahkam al-idda, les règles de la période d'attente. Et il nous restait quelques points à clarifier sur ce sujet-là. Le premier point, c'est la période d'attente pour la femme dont les règles se sont interrompues. Et dans ce cas-là, si c'est pas à cause de l'âge, hein, ou parce que la femme est arrivée à un âge avancé, donc malgré ça, elle est encore jeune et ses règles se sont interrompues, alors qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Comment on calcule sa idda? Hein, le cheikh il dit: وَأَمَّا الْمُطَلَّقَةُ الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُ ثُمَّ ارْتَفَعَ حَيْضُهَا انْقَطَعَ انْقِطَاعًا طَارِئًا لَا لِكِبْرٍ فِيهَا فَهَذِهِ لَهَا حَالَتَانِ. Donc la femme dont les règles se sont interrompues et elles se sont interrompues de façon subite. Et ce n'est pas à cause de l'âge. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Il y a deux cas. Le premier cas, on l'a expliqué. Al-halatul ula, alla ta'lam al-sabab, alladhi mana'a haydouha. Fahadihi iddatuha sana. Tis'ata ashhurin lil-haml, wa thalathata ashhurin lil-idda. Yani, ay iddatul al-aïsa. Le premier cas, c'est la femme qui ne connaît pas la cause pour laquelle ses règles se sont interrompues. Alors, pour elle, sa idda sera la durée d'une année complète. 9 mois, on suppose la grossesse, et 3 mois supplémentaires comme étant la idda de la femme ménopausée. En tout, ça fait 12 mois. L'imam al-Shafi'i, il dit à ce sujet-là, « قال l'imam al-Shafi'i, رحمه الله, هذا قضاء عمر بين المهاجرين والأنصار. » لا ينكره منهم منكر علمناه لأن الغرض من العدة هو العلم ببراءة رحمها من الحمل فإذا مضت 9 أشهر دلت على براءة رحمها منه فتعتد حينئذ عدة الآيسة 3 أشهر فيكون المجموع 12 شهرا وبها يحصل العلم ببراءة رحمها من الحمل والحيض. Donc, l'imam al-Shafi'i, il explique que cette opinion hein, de 12 mois, c'est la position de Omar. Il a jugé par cela, parmi les muhajirin et les ansar, et il n'y a personne d'entre eux qui l'a renié. Hein? Donc, ça veut dire que ça fait partie de l'ijma', ça fait partie du consensus maintenant. Parce qu'il a jugé ce jugement-là, et tous les sahabas ont agréé ce jugement-là. Donc, ça veut dire que ça fait maintenant partie de l'ijma, le consensus. D'accord? Et il dit, le but de faire la idda, à la base, c'est pour savoir que la femme, elle n'est pas enceinte. Elle porte pas d'enfant dans son ventre. Et donc, une fois que les 9 mois sont passés, ça, c'est une chose qui a été établie. Et maintenant, pour les 3 mois supplémentaires, c'est la idda au cas où la femme serait ménopausée. Hein, on suppose la ménopause, donc ça fait un total de 12 mois. Et là, on a établi dans ce cas-là que la femme n'a pas d'enfant, elle n'est pas enceinte, et en même temps, on établit qu'elle n'a pas de règles. Hein, elle n'a pas ses règles. Le deuxième cas, c'est la femme qui connaît la cause pour laquelle ses règles se sont interrompues. Et le cheikh il dit: "أن تعلم السبب الذي به ارتفع حيضها كالمرض والرضاع وتناول الدواء الذي يرفع الحيض فهذه تنتظر زوال ذلك المنع أو ذلك المانع فإن عاد الحيض بعد زواله اعتدت به وإن زال المانع ولم يعد الحيض يعني فالصحيح أنها تعتد سنة كالتي أو كالتي ارتفع حيضها ولم تدري سبب رفعه واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وهو رواية عن الإمام أحمد. Donc le cheikh il explique dans le cas de deuxième cas c'est la femme comme on a dit dont on ignore la raison ou la cause pour que ces règles soient interrompues c'est soit pas on ignore on connaît la cause hein, le deuxième cas c'est la femme dont on connaît la cause pour laquelle ces règles se sont interrompues soit par à cause d'une maladie ça peut arriver des fois des femmes à cause de leur maladie elles perdent leurs règles des fois aussi par exemple la femme qui mange pas assez hein. Les femmes, il y a des fois, elles ont, si elles ont l'anorexie, hein, elles sont anorexiques, elles s'empêchent de manger ou quand elles mangent, elles se font vomir au point où parfois elles deviennent tellement maigres qu'elles cessent même d'avoir leurs règles. Naam. Et dans d'autres cas aussi, il peut y avoir d'autres maladies qui causent ça et parfois c'est à cause de l'allaitement aussi. En général, la femme, lorsqu'elle allaite, après l'accouchement, elle n'a plus de règles jusqu'à la fin de l'allaitement, parce que pendant cette période-là, en général, elle n'a pas ses règles. Et également, lorsque une femme prend certaines pilules ou certains médicaments qui font en sorte que les règles soient suspendues, donc pendant cette période-là, la femme n'aura pas de règles. Donc, qu'est-ce qu'elle fait pour calculer sa idda? Elle attend que la raison ou la cause pour laquelle les règles se sont interrompues soit éliminée. Une fois que cette cause-là est éliminée, alors là, elle va commencer à calculer la période d'idda hein, qu'elle aurait calculée d'ordinaire lorsqu'elle avait ses règles. À partir du moment que ses règles reviennent, elle calcule sa idda selon ses règles. Et le cheikh, il dit, par contre, si après avoir enlever la cause, ou si une fois que la cause a été retirée, elle continue à ne plus avoir de règles, même après, alors dans ce cas-là, elle va faire la même chose que le premier cas, la femme dont on ignore la cause de l'interruption de ses règles, donc elle va faire une idda elle aussi de une année, hein? La même manière, et ça c'est l'opinion de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah et une des narrations de l'imam Ahmad à ce sujet-là. L'autre cas, c'est le cas de la femme qui est mustahada. On a parlé de ça. La femme qui est mustahada, c'est-à-dire elle a des écoulements de sang continuels. Elle n'a jamais de pause. Donc, il y a trois cas à ce sujet-là. Le premier cas, on a dit, c'est la femme, yani, qui connaît la durée de ses jours et qui connaît sa période, alors elle va se baser sur cette période et sur ce nombre de jours pour calculer une période de idda ordinaire selon les menstrues ordinaires. Parce qu'elle connaît le nombre de jours et elle connaît la période. Ça, c'est le premier cas. Al-halatul oula an takun ta'rifu qadra ayyam adatiha qabla l'istihadati wa ta'rifu waqtaha fahadhi tanqadi عدتها بمضي المدة التي يحصل لها بها مقدار ثلاث حيض حسب أيام عادتها. OK. Le deuxième cas, elle a oublié le nombre de jours et elle a oublié à quelle période ça se produit ces règles, sauf que le sang de ces règles est différent du sang des écoulements qui sont permanents. Alors, elle est capable de reconnaître le sang des règles par sa couleur ou par son odeur. Donc, souvent, le sang des règles est plus foncé que le sang ordinaire et il a une odeur, tandis que le sang ordinaire n'a pas d'odeur. Alors, quand elle remarque la différence, elle peut se baser là-dessus pour calculer le nombre de ses règles ou le nombre de règles et elle va faire sa idda en se basant sur ça. Okay. الحالة الثانية أن تنسى أيام عادتها ولكن يكون دمها متميزا فهذه تعتبر الدم المتميز حيضا وتعتد به وإن صلح أن يكون حيضا يعني تعتد به إن صلح أن يكون حيضا الحالة الثالثة la troisième cas c'est la femme qui a oublié combien de jours et qui a oublié la période. Et elle n'arrive pas à distinguer entre le sang de ses règles et le sang des écoulements. Alors, qu'est-ce qu'elle fait dans ce cas-là? eh bien, elle fait la idda de la femme ménopausée, c'est-à-dire la période de 3 mois. Elle va faire sa idda comme étant une période de 3 mois. الحالة الثالثة أن تنسى عادتها فيعني ليس لها تمييز يعتبر فهذه تعتد عدة الآيسة 3 أشهر. Maintenant, le cheikh il a terminé de clarifier ces deux cas-là. Le cas de la femme dont les règles sont interrompues et le cas de la femme qui a des écoulements, on appelle ça en arabe al-istihada. Et en français, je pense que c'est la métroragie ou rétroragie ou quelque chose comme ça. Il y a la femme qui a des écoulements constants. L'autre cas maintenant, c'est des exemples qui sont reliés à la idda. C'est certains cas que le cheikh a mentionnés. Le premier cas, c'est l'exemple de la femme lorsque on a fait sa idda. Elle a fait sa idda et quelqu'un veut la demander en mariage. Donc il y a une règle, il y a des règles à ce sujet-là. Il dit مسألة خطبة المعتدة. فالمعتدة من وفاة والمعتدة البائن بطلاق يحرم التصريح بخطبتهما كقوله أريد أن أتزوجك أن أتزوجك ونحو دون التعريض كأن يقول لها إني في مثلك أو إني في مثلك لراغب لقوله تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. Donc ici le cheikh il dit que la femme dont la idda est à cause du décès de son mari, ou bien la femme dont la idda c'est parce que son mari l'a divorcée 3 fois, donc il ne peut plus la reprendre après, eh bien dans ces deux cas-là, il n'est pas permis à un homme, pendant la idda de la femme, soit la veuve ou celle dont le mari a divorcé 3 fois, il n'est pas permis à un homme de venir et la demander explicitement en mariage pendant sa idda. Donc il ne peut pas venir et dire « je veux t'épouser ». Mais par contre, il a le droit de faire allusion à un mariage. Par exemple, il dit « j'aimerais bien épouser une femme comme toi ». Ou j'aimerais bien pouvoir me marier bientôt. Il ne le dit pas explicitement qu'il veut se marier avec elle. OK? Parce que s'il lui dit je veux t'épouser ou des choses comme ça, peut-être que la femme, elle va être tellement pressée qu'elle va dire ça y est, ma idda, elle est terminée. Et puis elle va demander qu'on se marie, à se marier tout de suite. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il a permis de demander de façon qui n'est pas explicite, c'est-à-dire de faire allusion au mariage ou à une demande en mariage, mais que ce ne soit pas explicite. Le verset, c'est le verset 235 dans Surat al-Baqarah. L'autre point que le cheikh a mentionné, c'est que il dit « وَيُبَاحُ لِلْرَجُلِ أَنْ يَخْطُبَ بِمَنْ أَبَانَهَا دُونَ الثَّلَاثِ من طلاقها طلاقا رجعيا تصريحا وتعريضا لأنه يباح له أن يتزوج من من أبانها زوجها من أبانها دون الثلاث وأن يراجع مطلقته الرجعية ما دامت في عدتها. Donc il dit le cheikh que si un homme il a divorcé sa femme une fois et que la période de idda est terminée, donc ça veut dire qu'à partir du moment que sa idda est finie, elle a le droit par la suite d'épouser qui elle veut, même si son mari l'a seulement divorcée une fois. Même s'il a le droit de la redemander en mariage après, elle peut aussi se marier avec, elle peut retourner avec lui, comme elle peut, si elle veut, ne pas retourner avec lui parce que sa idda est finie, et épouser quelqu'un d'autre. Donc il n'y a pas de mal dans ce cas-là pour un homme de venir la demander en mariage après que sa idda est finie, soit de façon directe ou de façon par une allusion ou bien de façon explicite. Tandis que la femme qui a été divorcée, qui est encore dans sa idda, eh bien son mari peut la reprendre tant que ce n'est pas 3 fois qu'il l'a divorcée. Tant que ce n'est pas 3 fois qu'il l'a divorcée. Ensuite, le cheikh il dit وَأَمَّا زَوْجَةُ الْمَفْقُودِ وَهُوَ مَنْ انْقَطَعَ خَبَرُهُ فَلَمْ تُعْلَمْ حَيَاتُهُ وَلَا مَوْتُهُ فتنتظر زوجته قدومه أو تبين خبره أو تبين خبره في مدة يضربها القاضي تكون كافية للاحتياط في شأنه وتبقى في عصمته في تلك المدة، ولأن الأصل في لأن الأصل حياته، فإذا تمت مدة الانتظار المضروبة يعني حكم بوفاته، واعتدت زوجته عدة الوفاة يعني 4 أشهر و10 أيام، وقد حكم الصحابة رضي الله عنهم بذلك. Donc ici le cheikh il explique que la femme dont le mari est disparu, il est perdu, on ne sait plus où il est et on n'a pas de nouvelles de lui, on ne sait pas s'il est vivant ou s'il est mort. Alors qu'est-ce qu'elle fait la femme dans ce cas-là? Est-ce qu'elle attend toute sa vie jusqu'à sa mort qu'il revienne? Est-ce qu'elle peut se remarier? Est-ce qu'elle ne peut pas se remarier? Est-ce qu'elle a une idda? Est-ce qu'elle n'a pas d'idda? Qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, dans ce cas-là, la femme, elle va attendre une période qui a été déterminée à ce moment-là, puisqu'elle attend que son mari revienne ou qu'elle ait une nouvelle de lui. Et la période qu'elle devra attendre, c'est une période déterminée par le juge. Hein? Et il dit qu'il faut que ce soit une période suffisante pour que Yanni donne une possibilité à ce que le mari revienne. Parce que si ce n'est pas une durée suffisante et que l'homme revient, il va trouver sa femme mariée avec quelqu'un d'autre. Hein? Donc ça va être un problème. Donc c'est mieux de donner une période suffisante. Et à la base, donc, on considère qu'il est vivant. Mais une fois que la période qui a été déterminée est conclue, eh bien, on jugera que l'homme est décédé. Et la femme fera donc une idda comme étant veuve. Et elle attendra donc une période de 4 mois et 10 jours. Comme les sahaba ont jugé de cela. Et l'imam Ibn al-Qayyim, il a dit à ce sujet, et là ici je vais lire tout ce que l'imam Ibn al-Qayyim a dit. Il dit, قال l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, حكم الخلفاء في امرأة المفقود كما ثبت عن عمر وقال أحمد ما في نفسي شيء منه يعني خمسة من الصحابة أمروها أن تتربص وقال ابن القيم قول عمر هو أصح الأقوال وأحراها بالقياس وقال ابن تيمية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هو الصواب انتهى كلامه. Donc l'imam Ibn al-Qayyim, il a dit que les khulafa ar-Rashidin, ils ont jugé que la femme dont le mari est disparu, ou qu'on n'a pas de nouvelles de lui, yani, le jugement il a été établi à son sujet par Omar Ibn al-Khattab, radiyallahu anhu. Et l'imam Ahmad a dit, je n'ai aucun doute à ce sujet-là. Il y a 5 parmi les sahaba qui ont ordonné à cette femme d'attendre. Donc elle doit attendre une certaine période. Et Cheikh Ibn al-Qayyim, il dit également que la parole de Omar, c'est la parole la plus correcte parmi toutes les positions et la plus correcte par rapport à l'analogie, au qiyas. Et Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il dit que c'est ça la position correcte. Fin de la citation. Donc le Cheikh, il dit, فَإِذَا انْتَهَتْ عِدَّتُهَا وَحَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ فَإِذَا انْتَهَتْ عِدَّتُهَا حَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ وَلَا تَفْتَقِرُ إِلَى طَلَاقٍ إلى طلاق ولي إلى طلاق ولي زوجها بعد اعتدادها للوفاة فإن تزوجت وقدم زوجها الأول فالصحيح أنه يخير بين استرجاعها وبين إمضاء تزوجها من الثاني ويأخذ صداقه سواء كان قدومه بعد دخول الزوج الثاني أو قبله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الصواب في امرأة المفقود مذهب عمر وغيره من الصحابة وهو أنها تتربص 4 سنين ثم تعتد للوفاة ويجوز لها أن تتزوج بعد ذلك وهي زوجة الثاني ظاهرا وباطنا ثم إذا قدم زوجها الأول بعد تزوجها خير بين امرأته وبين مهرها ولا فرق بين ما قبل الدخول أو وبعده وهو ظاهر مذهب أحمد ثم قال والتخيير فيه بين المرأة والمهر هو أعدل الأقوال انتهى كلامه. Donc le Cheikh Al-Fawzan il termine ce chapitre en disant que la femme dont une fois que le mari est perdu, son mari est disparu et sa idda est terminée, elle a attendu la période et elle a fait sa idda de 4 mois et 10 jours, elle a le droit par la suite de se marier. Elle a le droit de se remarier. Hein? Elle n'a pas besoin d'un divorce de la part du wali, hein, de l'époux, yani pour que sa idda, une fois qu'elle est finie, pour qu'elle puisse se remarier, elle n'a pas besoin d'un divorce parce que on considère que son mari est décédé. Donc, une fois qu'elle s'est remariée, si son premier mari revient, alors dans ce cas-là, la position correcte à ce sujet, c'est qu'il aura le choix soit de la reprendre ou soit de laisser cette femme avec son deuxième mari et qu'il prendra son mahar qu'il a donné, son cadeau de mariage en retour. Peu importe que cet homme-là soit revenu après qu'elle ait consommé, que son deuxième mari ait consommé le mariage ou avant, dans les deux cas, ça ne change rien à la situation. Et Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah, il dit, rahimahullah, que la position correcte à propos du mari qui est disparu, c'est la position de Omar et d'autres parmi les Sahaba qu'elle doit attendre une période de 4 années. Hein? C'est ça la période dont le juge va établir. Et est-ce que c'est possible qu'il établisse une durée autre? Allahu a'lam. Hein? Mais la position que les Sahaba ont déterminée et le nombre, la période de temps que les Sahaba ont jugé, c'est 4 ans. Et disons qu'à l'époque, 4 ans, c'était une période qui était déterminée par rapport aux distances, par rapport au voyage, par rapport à ces époques-là. Ce n'était pas comme aujourd'hui. Pour les distances et pour les voyages, c'était beaucoup plus compliqué. Si un homme partait à la guerre, si un homme partait en voyage ou en faire du commerce ou au hajj, hein? Imaginez quelqu'un, il vit en Andalousie hein, à l'époque, puis il partait jusqu'à la Mecque faire le hajj, il devait peut-être voyager pendant des mois hein, pour y arriver par bateau et ensuite à pied à travers des déserts, à travers des contrées difficiles, il peut lui arriver n'importe quoi. C'est pas garanti qu'il va revenir. Donc, il y en a qui partaient, ils s'en allaient en Asie. Il y en a qui partaient, qui s'en allaient faire des voyages très loin. Et ils revenaient peut-être bien plus tard, donc dans des années après. Aujourd'hui, bon, avec les moyens de transport qui ont évolué, disons que le temps est rétréci, si on veut. Les voyages sont plus rapides et les distances sont raccourcies. Mais n'empêche que dans plusieurs cas, ça peut encore parfois être difficile. Exactement. Exactement. Même si la personne, comme tu dis, elle n'est pas dans un endroit qui est proche, mais avec, comme tu dis, les moyens de communication qui sont développés maintenant avec Internet, avec téléphone, les cellulaires et tout ça, c'est très, très facile. Hein, à moins que la personne était emprisonnée. Parce que ça peut arriver quelqu'un qui était parti à la guerre et il a été dans un autre pays, on l'a emprisonné, il n'a aucun moyen de rentrer en contact avec la famille et puis finalement il le laisse sortir après 5-6 ans et là il revient chez lui, il trouve que sa femme elle est remariée. Hein. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Hein? Qu'est-ce qu'il va faire dans des cas comme ça? Eh bien, il a le choix soit de dire « je veux ma femme hein, » ou bien il a le choix de dire « ok, qu'elle a refait sa vie, donc je la laisse avec son deuxième mari si elle veut. » Et par contre, elle me remet le mahar que je lui avais donné. Et donc, c'est ça le choix qu'elle a à faire, cet homme-là. Il a le choix de prendre l'un ou l'autre. Et le cheikh, il dit... Peu importe que l'homme ait le deuxième mari ait consommé le mariage ou non, dans les deux cas c'est la même chose et c'est la position la plus claire de l'imam Ahmad dans son madhhab. Et il dit que également, il a dit que le fait de donner le choix à l'époux au premier de reprendre soit la femme ou de reprendre le mahar, c'est l'opinion la plus juste dans les divergences à ce sujet-là. Fin de la citation de l'imam Ahmad. Donc on a complété maintenant le chapitre au sujet des périodes d'attente après le divorce ou après le décès. Maintenant on passe à un autre chapitre qui est le dernier chapitre dans Kitab al-Talaq et il n'est pas long, c'est même pas une page. Et il s'intitule ce chapitre Babun fil istibra. Babun fil istibra. Et al-istibra, c'est quoi? C'est le fait de vérifier que il n'y a pas de bébé dans le ventre de la femme lorsqu'elle est esclave ou lorsqu'elle est lorsqu'elle a été lorsqu'elle est esclave. On va attendre un certain nombre de temps pour vérifier que la femme, elle n'est pas enceinte, soit avant de la vendre ou avant d'avoir des rapports avec elle ou des choses comme ça. Donc ici, le cheikh, il explique et il dit « Babun fil istibra »« Al-istibra huwa tarabbusun yuqsadu minhu al-ilmu bi bara'ati rahmi milk yamin » ومأخوذ من البراءة وهي التمييز والقطع. Donc, al-istibra, hein, c'est une attente qui a pour but de savoir que le ventre de l'esclave ne contient pas de bébé ou d'enfant, d'un maître précédent ou d'un homme avec qui elle était mariée auparavant, ou bien d'un homme avec qui elle a eu un rapport avec avant de l'avoir possédé. Wa alaykoum salam. Ce terme-là, al-istibra, ça vient du mot al-bara'a, qui veut dire la distinction, hein, ou le discernement et le fait de trancher, hein, ou de couper. Et le cheikh, il dit, فَمِنْ تِلْكَ فَمَنْ مَلَكَ مَلَكَ مَلَكَ يَمْلِكُ فَمَنْ مَلَكَ أَمَةً يُطَأُ مِثْلُهَا بِبَيْعٍ أَوْ هِبَةٍ أَوْ سَبِيٍّ أو غير ذلك حرم عليه وطؤها ومقدماته قبل استبرائها لقوله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه زرع غيره أي نعم رواه أحمد والترمذي وأبو داود وفي حديث آخر رواه أبو داود لا توطأ حامل حتى تضع. OK. Donc ici le cheikh il explique Mohamed, s'il te plaît, assis-toi mon frère. Ou bien sinon fais qu'est-ce que tu as à faire mais ne nous dérange pas s'il te plaît. Barakallahu fik. Donc ici le cheikh il explique, il dit donc quiconque a possédé une esclave et que cette esclave-là, on peut avoir des rapports intimes avec elle parce que elle est apte à ça. Alors, soit parce qu'on l'a achetée ou parce qu'on l'a reçue en cadeau, hein, quelqu'un nous l'a offert, nous l'a offerte, ou qu'elle a été prise comme prisonnière ou autre chose de ce genre, alors il est interdit pour la personne qui l'a acquis, qui l'a acquise, hein, qui l'a acquise ou acquis, qui l'a acquise, cette esclave. Il est interdit pour lui d'avoir des rapports sexuels avec elle, wa alaykoum salam wa rahmatullah, ou d'avoir des préliminaires avec elle, tant qu'il n'a pas vérifié qu'elle n'a pas qu'elle n'est pas enceinte, en fait, avant d'avoir vérifié qu'elle n'est pas enceinte. Et c'est basé sur le hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui dit, comme c'est rapporté par Ahmad et At-Tirmidhi et Abu Daoud, selon Ruwayfi' ibn Thabit, il dit, celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il n'arrose pas, hein, qu'il n'arrose pas de son eau qu'il n'arrose pas de son eau ce qui a été cultivé par quelqu'un d'autre que lui. C'est une façon de parler pour dire que si, par exemple, une femme elle est enceinte, il ne doit pas avoir des rapports avec elle. Et donc, le but de l'istibra, c'est de vérifier justement que le ventre de la femme est exempt de bébé ou de fœtus. Comme ça, il doit attendre jusqu'à ce qu'elle, soit qu'il vérifie qu'elle a ses règles ou qu'elle accouche. Une fois qu'elle a accouché, après, hein, il doit attendre jusqu'à ce qu'elle a, après ça, il pourra avoir des relations avec elle. Donc le cheikh il dit wa fi hadith akhar rawahu Abu Daoud la tuta hamilun hatta tada. Donc ça c'est un autre hadith rapporté par Abu Daoud selon Abu Saïd. Il dit la femme qui est enceinte, on ne doit pas avoir de rapport intime avec elle jusqu'à ce qu'elle accouche. Ça c'est la femme esclave. La femme esclave, si on l'a achetée puis qu'on découvre qu'elle est enceinte, on n'a pas le droit d'avoir de rapport avec elle jusqu'à ce qu'elle ait accouché. D'accord? Il dit وَاسْتِبْرَاءُ الْأَمَةِ الْحَامِلِ يَنْتَهِي بِوَضْعِ الْحَمْلِ لِعُمُومِ قَوْلِهِ تَعَالَى وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ. La femme, donc l'istibra pour la femme qui est esclave et qu'elle est enceinte, sa période d'istibra se termine après son accouchement. Et la preuve, c'est le verset 4 dans Sourate At-Talaq qui dit que celles qui sont enceintes, leur terme ou leur idda se termine lorsqu'elles accouchent. Il dit « وَغَيْرُ الْحَامِلِ إِنْ كَانَتْ تَحِيضُ فَاسْتِبْرَأُهَا بِحَيْضَةٍ لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم في سبع أوطاس لا تؤطأ حامل حتى تضع ولا غير حامل حتى تحيض حيضة رواه أحمد وأبو داود فدل هذا الحديث على وجوب استبراء الأمة المسبية وغيرها قبل وطئها ودل على بيان ما تستبرأ به الحامل والحائض من المسبيات. Donc il explique le cheikh que la femme qui n'est pas enceinte, sa période d'estibra, c'est qu'elle est une période de menstrue. Une fois qu'elle a eu une menstrue, eh bien, à partir de ce moment-là, ça veut dire que son maître, il pourra avoir des rapports avec elle. C'est basé sur le hadith à propos des prisonnières qui ont été prises, les prisonnières de Autas. Il a dit, la femme qui est enceinte, on n'a pas le droit d'avoir des rapports intimes avec elle jusqu'à ce qu'elle ait accouché. Et celle qui n'est pas enceinte, on ne peut pas jusqu'à ce qu'elle ait eu une menstrue. Et il dit donc, ce hadith-là nous indique la preuve qu'il est obligatoire de vérifier que l'esclave ou la prisonnière n'est pas enceinte et qu'elle ait eu au moins une menstrue avant de pouvoir avoir des rapports intimes avec elle. Et ça, c'est la preuve qu'il faut faire à l'estébra pour celle qui est enceinte ou celle qui a des règles parmi les prisonnières. Et il dit « Wa amma al-ama al-asiya min al-hayd wa al-ama al-saghira fatustabra'ani bimudhi shahrin liqiyam al-shahr maqam al-haydati fi al-iddah. » Il dit, tandis que la femme qui est ménopausée ou la femme qui n'a pas de règles, hein, Alors, leur estibra, c'est après avoir attendu une période de 1 mois, puisque les mois remplacent les règles, les périodes de règles ou de menstrues lorsque la femme n'a pas de règles. Et le dernier point que le cheikh a mentionné, il dit Wal-hikmatu fil-istibra il-ama qabla ad-dukhul ou qabla wat'iha. Naam, qabla wat'iha yubayyinuha qawluhu sallallahu alayhi wa sallam. Man kana yu'minu billahi wal yawm al-akhir fala yisqi ma'uhu zar'a ghayrihi. فبين أن الغرض من الاستبراء تجنب الاختلاط المياه والاشتباه أو واشتباه الأنساب. Donc il dit la sagesse de cette période d'estibra, hein, de vérifier que la femme elle n'est pas enceinte ou qu'elle accouche avant d'avoir des rapports avec elle, c'est comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a expliqué, la sagesse c'est que le prophète Sansom a dit, celui qui croit en Allah et au jour dernier, il ne doit pas arroser de son eau la récolte de quelqu'un d'autre, ou qu'est-ce qui a été cultivé par quelqu'un d'autre. C'est la preuve que on veut éviter qu'il y ait des mélanges, hein, des semences et des mélanges dans les liens de parenté. Hein, que quelqu'un, on lui attribue un enfant qui n'est pas le sien, hein, et qu'il fasse entrer parmi ses héritiers des étrangers à sa famille ou à lui. Donc ça, c'est ce qui conclut ici le chapitre au sujet du divorce. Et donc, les prochains chapitres, on va voir dans les cours précédents ou dans les cours à suivre. أحكام الرضاع، أحكام الحضانة، موانع الحضانة، نفقة الزوجة، et نفقة الأقارب والمماليك. Comme je vous avais dit déjà, les règles qui restent à voir dans les autres chapitres qui suivent, c'est les règles à propos de l'allaitement, les règles à propos de la garde de l'enfant après le divorce. Qui garde les enfants? Est-ce que c'est le père? Est-ce que c'est la mère? Donc il y a des règles dans l'islam là-dessus. Les règles par rapport à qu'est-ce qui empêche la garde de l'enfant par un des deux parents, quand est-ce que il y a c'est quoi ces empêchements-là, et également les allocations auxquelles la femme, l'épouse a droit de la part de son mari, c'est quoi ses droits sur son mari par rapport à la nafaqa, aux dépenses, et également les proches et les esclaves. Quelles sont les choses auxquelles ils ont droit dans les dépenses, hein, de celui qui a les moyens dans leur famille. Tout ça, on va le voir dans les chapitres suivants, Inch'Allah. Et une fois qu'on aura terminé ça, on aura complété tout ce qui a rapport avec les choses qui sont reliées de près ou de loin au mariage. Et on va rentrer dans d'autres sujets par la suite, Inch'Allah. Donc, tu voulais poser une question? C'est pas la même chose. Parce que la période de Idda pour la femme qui est libre, on les a expliquées. Et on a expliqué que la période de Idda pour une femme qui est esclave, c'est la moitié de la Idda de la femme qui est esclave. Sauf que là, on ne parle pas de la femme mariée. On parle de la femme esclave qui n'est pas mariée. نعم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.